Bassem mène des opérations pour les services de renseignement français. De Bamako à Genève, de Beyrouth à Tanger, il a vu des régimes tomber, des peuples se relever et des hommes mourir. Mariam est irakienne et archéologue. Elle tente de sauver le patrimoine artistique des zones dévastées par la guerre au Moyen-Orient. Elle cherche sans fin la trace de ces objets pillés. Écoutez nos défaites, de Laurent Godet. Extrait choisi par Juliette Eman. Troisième épisode. Ils ne lui ont pas bandé les yeux. Personne ne lui parle. Où allons-nous ? Demande-t-il en arabe. Le conducteur le regarde dans le rétroviseur. Un temps long s'écoule sans que personne ne lui réponde, puis le conducteur lâche « Job vous attend ». La voiture prend la direction du sud et traverse Chiaya. Il sait que plus ils descendent, plus il sera en danger. Le quartier chiite de Haletrek n'est pas loin. Est-ce là-bas qu'il l'emmène ? La voiture roule toujours et le soir tombe sur Beyrouth. Savent-ils qui il est ? Est-ce que Job lui-même l'a deviné ? Et si oui, le leur a-t-il dit ? Ils n'ont pas l'air tendus. Qu'est-ce qui les fédère, ces hommes et ces femmes si différents ? Anciens FARC ou militants palestiniens, égyptiens révolutionnaires ou syriens ayant fui le régime de Bachar el-Assad. Est-ce l'appât du gain ? Leur petit trafic ? Le plaisir de régner comme ça dans une ville où leurs kalachnikovs leur servent de titre de propriété et de passeport. La voiture ralentit et quitte la grande artère sur laquelle ils étaient. À gauche, il aperçoit un panneau « Welcome to Haletrek ». Est-ce par ironie qu'il a été écrit en anglais ? Quelle ville étrange ! Il va plonger au cœur du quartier chiite. Hezbollah Land, comme on dit ici. Comment un Américain flanqué d'une petite troupe de mercenaires de tous les pays du monde a-t-il pu s'implanter dans le fief du Hezbollah ? Elle a demandé au directeur de l'Institut s'il était possible de visiter la citadelle d'Erbil. Il a eu l'air surpris. Il le lui avait pourtant proposé à son arrivée. N'hésitez pas surtout. Dara connaît bien le site et nous avons quelques privilèges. Mais il l'avait fait de façon un peu formelle, persuadé qu'elle n'aurait pas le temps. Et maintenant il est tard et cette demande lui semble quelque peu incongrue. Il tente de lui proposer d'aller plutôt au restaurant, mais elle insiste avec un visage qui, sans être impoli, s'est refermé. Il accepte alors. Donne quelques coups de fil pour faire venir à l'Institut le dénommé Dara. Elle attend patiemment. Elle sent la fatigue s'emparer d'elle. Elle a passé la journée à recueillir des témoignages et tous disent la même chose. La peur, le visage profond de l'effroi face à ces hommes dont le surgissement signifie l'éclipse de notre monde. Tout sera brûlé. Ils sont venus pour régner, s'emparer des villes, des corps, des esprits. Il a peur, il sent ses mains devenir moites. La voiture arrive sur la côte, Aljna Street. Il la connaît, cette peur. Il sait qu'il doit la laisser entrer en lui parce qu'elle peut lui être utile. Elle lui donnera de l'instinct et de la vigueur. Elle lui rendra l'essence plus alerte. Il est venu de loin pour cet instant. La voiture parcourt Aljna Street. Sur tout le côté, des petites maisons en béton regardent la mer, accrochées à cette terre comme une fourmilière. La plupart n'ont pas de toit. On a mis des tôles ondulées dessus et sur les tôles, des pneus pour qu'elles tiennent lorsque le vent se lève. On les brûlera à l'occasion si les sunnites des quartiers nord veulent en découdre. Et puis soudain apparaît une maison plus vaste que les autres. Il voit tout de suite sur la terrasse un homme qui fait le guet, un fusil d'assaut en bandoulière. C'est ici. La voiture se gare. On lui fait signe de sortir. Il retrouve l'air de la mer, épais. Il respire un grand coup. Il est venu de si loin pour rencontrer l'homme qui l'attend dans cette maison, entouré de cette garde improbable de guerriers. Il a retrouvé son calme. Il sait ce qu'il a à faire. Il a répété si souvent dans sa tête ces instants, essayant d'anticiper tous les possibles. Et maintenant, il a hâte. hâte de voir Sullivan Sicko, que plus personne n'appelle ainsi. Sullivan Sicko, qui fait trembler ses amis et règne sur la rue Aljna des quartiers sud de Beyrouth comme un narcotrafiquant ou un révolutionnaire en son fief. Il a hâte, car il sait que l'homme qui va le recevoir l'attend lui aussi depuis longtemps et plantera ses yeux dans les siens sans masque. Il monte les quatre marches du perron sans hésiter, sans même remarquer les hommes et les femmes qui ont surgi comme des ombres dans le jardin ou sur les terrasses, véritable armée qui semble veiller sur la nuit avec l'attention des chats. Elle a recueilli peu d'informations sur le musée parce qu'on lui a parlé surtout du reste. Le défilé dans les rues de Mossoul, les drapeaux noirs qui flottaient, les haut-parleurs qui annonçaient la nouvelle vie qu'il faudrait mener. Son pays se disloque, envahi par le nord et rongé par le chaos au sud. Elle est dans une ville, Erbil, qui ne veut plus être irakienne. Il en sera bientôt de l'Irak comme de la Yougoslavie, un pays qui disparaît. Et elle, la Bagdadi, devra se trouver une autre nationalité. Son pays, déchiré comme un linge sur lequel on tire de toutes parts. Mais a-t-il jamais existé, ce pays ? Celui-là, tel qu'il a été dessiné, pensé, tracé par Churchill, Lawrence et Gertrude Bell. Est-ce que cela a jamais été autre chose qu'un rêve de pays ? Posé avec autorité dans une région parcourue par d'autres tensions, d'autres mouvements ? Elle est en Mésopotamie. Cela a existé. Et c'est peut-être pour cela qu'elle veut voir ce soir, avec urgence, la citadelle d'Erbil. Et lorsque Dara gare sa voiture au pied du site et qu'il commence l'ascension de ce bloc qui domine les souks, elle sent qu'elle s'extrait du chaos, des pleurs. Elle quitte les voitures, les récits de panique, tout ce qui brûle autour d'elle, et cela lui fait du bien. Sur la terrasse, un homme monte la garde. Il le fouille minutieusement, puis il lui glisse, il vous attend, et ouvre un des deux volets de la double porte vitrée en le laissant s'avancer, comme si lui n'avait pas le droit d'aller plus loin et le regrettait, avide du privilège accordé à cet étranger. Hassem entre. La maison est plus vaste qu'il ne l'imaginait. Un grand escalier central mène à l'étage. Il se dégage du salon quelque chose de suranné. Qui habitait ici avant que les hommes de Job ne prennent possession des lieux ? Aucune porte latérale ne lui indique un autre chemin que l'escalier. Il monte. Une fois en haut, il se retrouve dans une salle où les fenêtres sont ouvertes et laissent passer l'air de la mer. Au fond d'une enfilade de pièces, toutes plongées dans l'obscurité, toutes vides, toutes décorées de vieux meubles qui semblent avoir été oubliés ici depuis des siècles, il aperçoit de la lumière et entend comme un rire et des bruits de verre. Le soir tombe et il ne fait plus aussi chaud qu'en journée. Ils arrivent aux abords de l'entrée et Dara commence à parler, voulant probablement faire le guide, croyant que c'est ce qu'on attend de lui, qu'il explique, commente, dise ce qu'il sait. Elle regarde une dernière fois la ville à ses pieds, vivante, grouillante, la ville s'animant de la promenade du soir. Et puis elle fait un signe de la main à Dara, comme pour lui dire « non merci » ou quelque chose comme ça. Et elle glisse à voix basse « je vais faire quelques pas toute seule ». Pour qu'il comprenne bien qu'elle ne veut rien, n'attend rien de lui. Et elle s'enfonce dans les rues de cette petite ville déserte, en cours de réhabilitation, comme une ville fantôme. Elle plonge avec soulagement dans le silence. Une fois dans cet entre-là de ruelles, elle ne voit plus la ville d'Erbil et n'entend plus aucun son. C'est comme si elle avait plongé ailleurs. La nuit semble plus épaisse. Elle marche, sentant progressivement la faiblesse s'emparer de ses membres. Quelque chose dans les mollets, au bout des doigts, dans les cuisses, qui semble défaillir. Ce n'est pas de la fatigue, cela vient de plus loin. C'est la maladie, elle le sent, qui prend possession d'elle, lentement, inexorablement. Elle ne veut pas s'arrêter. Elle poursuit, parcourt les petites rues de cette ville vide qui semble comme un corps mort, cette ville construite en briques de terre et qui attend peut-être le retour des armées parties il y a des siècles. Tout est calme. Est-ce qu'elle s'enfonce dans la mort? Si elle le fait, c'est avec sérénité. Elle repense à toutes ses fouilles pour essayer d'exhumer le passé. Et pourquoi, au fond? Est-ce que les vivants ont le temps de l'apprendre, ce passé? Est-ce qu'ils ne sont pas tout entiers dans la lutte intense, quotidienne, de la vie? Et pourtant, au péril de sa vie, le vieil homme kurde qu'elle a vu cet après-midi a sauvé une paire de boucles d'oreilles. Elle ne sait pas si elle aura la force de revenir en arrière. Elle sent qu'elle devrait s'asseoir et appeler, mais elle ne le fait pas. La tête lui tourne, ses oreilles bourdonnent, son champ de vision se rétrécit. Elle pose une main sur la façade d'une de ses maisons vides, essaie de respirer calmement. Elle sent qu'elle est livide à cet instant, mais elle tient, ne s'assied pas, de peur de ne plus parvenir à repartir. À qui sera cette ville dans quelques mois? Le Kurdistan a l'air armé pour résister à l'avancée de l'État islamique, mais qui aurait pu prédire la chute de Mossoul? Et qui sait si Erbil ne tombera pas aussi un jour? Peut-être les hommes en noir planteront-ils leur drapeau sur le toit de la maison sur laquelle elle s'appuie à l'instant? Venez, venez, approchez que je vois qui il m'envoie. Hassem a avancé, traversé lentement toutes ses pièces, puis est parvenu enfin à une grande terrasse couverte qui donne sur la mer. Il y a là deux canapés en angle droit, une table, un fauteuil, et le fixant de ses yeux perçants, un sourire sur les lèvres, Job, un verre de whisky à la main. Hassem a fait un pas et maintenant son visage est dans la lumière. Avant même qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Job lui demande « Est-ce que c'est vous qui l'avez tué ?» Il ne répond pas, surpris de la question, de l'accueil débonnaire de l'homme. Il essaie de regarder s'il y a d'autres gens que deux sur cette terrasse, si Job est armé. Il essaie d'évaluer la hauteur et s'il peut sauter de la terrasse au cas où, et il voit bien que Job le scrute et le voit faire. Il y a ce qu'il dit, la question posée avec cet accent traînant. Il y a les bras qui s'ouvrent, le visage éclairé de lumière avec ce sourire étrange, comme s'il n'était pas adressé à l'homme qu'il avait face à lui, un sourire de bonze plutôt. Mais il y a aussi ses yeux clairs, vifs, qui n'ont rien perdu de l'arrivée de son hôte et l'évalue. « Est-ce que c'est vous qui l'avez tué ?» Il n'a pas répondu. Ne sait pas à quoi Job fait allusion. Mais l'autre ne lui laisse pas le temps de parler. Il fait un geste de la main, comme pour signifier qu'il peut attendre. « Je suis sûr que c'est la question qu'on vous a le plus posée. Je connais cela. Disons que cela nous fait une expérience commune. » Et il s'assoit dans le fauteuil, tournant un instant le dos à Hassem, le faisant presque lentement, comme s'il voulait lui signifier qu'il n'a pas peur, que son dos il le lui offre, que rien en lui n'est atteignable. « Whisky ?» Il pose la question, mais il est trop loin pour servir son hôte. D'ailleurs, il a plongé son regard dans la mer, semblant très loin d'un coup de cette terrasse, d'Hassem, très loin de la question qu'il vient de poser et de toutes celles qu'il posera. Hassem s'approche de la petite desserte à roulettes et se sert un verre. C'était donc cela, l'expérience commune. Il parle de Sirte, de la mort de Kadhafi. Il en parle parce qu'il a, lui, participé à la traque de Ben Laden. Et s'il lui retournait la question? Est-ce lui qui a tiré? Non. Il ne demandera pas. Qu'est-ce que cela peut faire? Hassem n'a pas encore parlé, mais il a le sentiment d'être sur cette terrasse depuis des heures déjà. Il regarde Job. Il se souvient des photos qu'on lui a montrées à Zurich. Le corps a maigri. Les rides se sont creusées, mais il a une sorte de profondeur dans les yeux qu'il n'avait pas, une inquiétude, une épaisseur. « Est-ce que vous étiez prêt à vous faire tuer ce jour-là ? » demande alors Job avec une voix sourde. Et Hassem sent que cette question a valeur de test, que s'il n'y répond pas honnêtement, l'entretien sera fini. « Oui, Job fait la moue, savourant cette vérité, la laissant flotter dans l'air. Puis il ajoute, moi aussi, bien sûr, mais j'ai senti que c'était la dernière fois. L'histoire pue, n'est-ce pas, lieutenant ? Vous et moi, nous le savons, parce que son odeur, on l'a encore dans le nez, pas vrai ? Vous avez décidé de faire quoi, Job ? De jouer votre propre jeu ? De vous affranchir ? L'autre le regarde avec calme. « Je suis content qu'il vous ait envoyé, lieutenant, » dit-il en souriant. « Parce que vous comprenez, vous. Cela nous offrira de belles discussions à venir. » Puis, après un long temps, il ajoute « Vous pensez vraiment que la CIA s'inquiète du petit trafic d'antiquités auquel j'ai pu me livrer de temps en temps ? C'est autre chose. Ils ne vous l'ont pas dit ? Bien sûr que non. » Ils vous ont laissé venir me flairer en se disant que moins vous en sauriez, mieux ce serait. C'est vous insulter. Mais je leur suis reconnaissant de vous avoir choisi, vous. Cela aurait pu être tellement plus décevant. L'homme soudain a l'air saisi d'une profonde fatigue. Il soupire, ses traits sont tirés. Il se lève et regarde longuement la mer au loin. Hassem ne voit plus ses yeux, mais il entend sa voix. « Nous allons nous revoir, lieutenant, puisqu'ils ont décidé, en quelque sorte, de me confier à vous. » Tripoli, hôtel Radisson, le 27 juin à 21h. Nous reprendrons notre conversation. Si les mots ne nous ont pas quittés d'ici là. Est-ce qu'elle va mourir ? Ce corps qui lui échappe, cette faiblesse qui lui donne l'impression de ne plus avoir de prise sur ses propres muscles, est-ce que c'est cela qui lui annonce qu'elle va tomber ? Qu'aura-t-elle fait alors ? Elle se sera battue toute sa vie pour des objets vieux de siècles entiers qu'il fallait sauver du néant et se passer de main en main, comme des objets brûlants que chaque génération conserve. Et pourquoi n'aurait-il pas eu le droit au sable, à la terre ? Et à l'engloutissement, ces objets ? Est-ce que ce n'est pas le sort que vont connaître toutes les femmes et tous les hommes qui s'agitent à ses pieds en ce moment, dans les souks d'Erbil, réfugiés ou non, irakiens ou syriens ? Est-ce que ce n'est pas ce qu'elle va connaître elle-même, l'engloutissement et l'oubli ? Elle se sent défaillir. Elle a le temps encore de penser à la statue de Bess qui lui a été donnée par Marwan et qu'elle a glissée dans la valise d'Hassem, et elle est heureuse de l'avoir fait. C'est comme de remettre un de ces objets dans le cercle de la vie. Pas comme elle le fait depuis 20 ans, conserver, protéger, étudier. Non. Replonger un objet dans le hasard. Est-ce que la statue de Bess va être détruite ? Hassem va-t-il la vendre chez un antiquaire ? Ou la perdre dans un de ses voyages ? Peu importe. La statue de Bess connaît à nouveau la course du sort comme un objet qui flotte dans un torrent, et c'est bien. Elle entend une voix qui l'appelle dans son dos. Une voix qu'elle ne reconnaît pas. « Madame Mariam, Madame Mariam !» Comme si la ville elle-même l'appelait. Non, c'est Dara. Elle le comprend. Dara qui doit la voir vaciller. Dara qui s'approche en courant et crie lorsqu'elle s'évanouit et tombe au sol. Hassem ira à Tripoli. Est-ce que Job a fait exprès de lui donner rendez-vous en Libye ? Est-ce qu'il veut le tester, voir s'il a le cran d'y retourner ? Pas parce que le pays est en guerre, mais parce qu'il y a laissé des souvenirs de foules en colère et de dictateurs au visage tuméfié. Cela ne peut pas être un hasard. Est-ce qu'il l'emmène en Libye pour qu'il soit à l'endroit de sa fragilité ? Peut-être veut-il qu'il soit nu, hors du monde, face aux souvenirs de ses limites. Alors seulement ils se parleront. Et alors seulement, peut-être, comprendra-t-il ce qui donne à Job ce regard fascinant, fiévreux et enjoué à la fois, comme si le monde en feu l'amusait parce qu'il en avait percé les secrets. Par Pas un son ne résonne. La brume épaisse semble tout étouffer. Les Romains n'entendent même pas le bruit de leurs propres pas sur le sol. Ils avancent. Flaminius veut en finir avec Hannibal. Les Carthaginois essaient de ne pas respirer, de ne faire cliqueter aucune de leurs armes. Ils attendent. C'est ici que la victoire se joue. Ils le savent. Le lac de Trasimène est un peu plus loin. Ils se sont disposés sur les hauteurs du vallon. Si les Romains passent à leurs pieds dans le défilé le long du fleuve, ils ont gagné. Si le ciel se découvre et qu'ils deviennent visibles, tout aura échoué. Hannibal attend. Il sait que l'issue de cette journée ne dépend plus de lui. Un bruit, un cheval qui hennit, un nuage qui se déplace, tout cela peut changer le cours de l'histoire. Et puis, soudain, un de ses hommes s'approche de lui et d'une voix sourde lui murmure « Ils se sont engagés dans le défilé ». Alors il se lève et ordonne à ses hommes de se ruer sur l'ennemi. Les Carthaginois dévalent la pente. Et d'abord les Romains ne comprennent pas d'où viennent ces cris, car la brume déforme les sons, les déplace. Et puis soudain, ils les voient surgir, là, déjà sur eux, glissant de la colline à leur gauche. La panique est générale. Flaminius hurle des ordres, mais personne ne les entend dans la brume. Tout se disloque. Et puis, un cavalier charge sur le consul et le tue d'un coup. Une petite voix se tait dans la mêlée et le grand corps romain, n'ayant plus de tête, se précipite en tous sens. Pour que la victoire soit réelle, il ne faut pas uniquement que l'ennemi soit pris dans la souricière, qu'il n'ait plus d'issue, que son chef soit mort. Il ne faut pas seulement que plus aucun ordre ne fédère les troupes, que chacun ne pense plus qu'à sa vie et essaie de fuir, tremble de peur. Pour que la victoire soit réelle, il faut aller jusqu'au bout et, lorsque l'ennemi est acculé, avec le lac dans le dos, ne sachant plus que faire, il faut encore avancer et le tuer. C'est ce qu'ils font maintenant. Ils entourent les Romains et les immolent. Ils tranchent, piquent, coupent. Ils abattent des hommes comme on le ferait d'un troupeau. Un à un, patiemment. 15 000 hommes. Avec la lassitude des mêmes gestes. Ils le font parce que ce n'est qu'ensuite que l'on pourra parler véritablement de victoire. Ce n'est qu'ensuite que la nouvelle parviendra à Rome et que pour la première fois, la panique s'emparera des rues. Ils égorgent, mutilent, un à un, jusqu'à ce que 15 000 corps salissent les eaux du lac de leur sang. 15 000 corps d'hommes qui pensaient vivre ce matin et qui flottent, 3 heures plus tard, tandis que les brumes se dissipent enfin, offrant à Hannibal le spectacle horrible de sa victoire. Et peut-être est-il saisi par cet instant. Peut-être ont-ils été des frères pendant ces 3 heures de corps à corps, unis d'avoir tous remis leur vie dans les mains du destin. Peut-être est-ce pour cela qu'ils cherchent longtemps la dépouille de Flaminius sur le champ de bataille, mais ne la trouvent pas, car le consul a été décapité et sa tête a roulé dans l'eau. Alors ils demandent qu'on rende hommage à tous les morts, y compris à ceux que quelques minutes plus tôt ces soldats égorgeaient encore. Et tout le monde se tait enfin face au lac devenu rouge. C'était « Écoutez nos défaites » de Laurent Godet. Extrait choisi par Juliette Eman. 3e épisode. Avec Elsa Le Poivre, Mariam, Éric Herson-Macarel, Assem, Damien Houssier, Hannibal et la voix de Julie Pouillon. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Musique originale, Dominique Massa. À la trompette, Martin Saccardi. Prise de son, montage et mixage, Éric Boisset, Bastien Varigo. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, Juliette Eman.